on va enchaîner avec des nouvelles des luttes dans les centres de rétention administrative. Petit rappel, comme d'habitude, les centres de rétention administrative sont des prisons pour étrangers en situation irrégulière, c'est-à-dire que on y enferme des personnes. Le seul reproche qu'on leur fait, c'est de ne pas être en situation régulière au niveau administratif, au niveau de leurs papiers. Donc voilà, c'est juste des gens qui n'ont pas obtenu les bons documents, qui n'ont pas leurs papiers à jour, et qui du coup sont placés dans ces prisons en attendant d'être normalement expulsés vers leur pays d'origine. Du coup, il y a beaucoup de centres de rétention en France, et depuis toujours presque, hein, il y a des luttes dans ces centres de rétention. Et nous, on relaye un peu ces luttes, notamment en consultant le blog abalekra.noblogs.org. Donc voilà, on vous conseille encore une fois la lecture de ce blog et on va vous lire du coup les dernières news qui arrivent des luttes de centres de rétention. Donc ce mois-ci, il y a eu plusieurs mouvements de grève de la faim dans au moins deux centres de rétention en région parisienne, au centre de rétention de Plaisir dans le 78 et au centre de rétention de Palaiseau. Je vais commencer par le communiqué de grève de la faim à la prison de Palaiseau, donc au centre de rétention de Palaiseau. Voilà, donc je vous lis l'article, hein, tout simplement. À nouveau une lutte dans la prison pour sans-papiers de Palaiseau. Toujours les mêmes problèmes. En plus de l'enfermement et de la possibilité de se faire déporter à tout moment, c'est aussi une équipe de keufs particulièrement violente et méprisante. Déjà, en juillet dernier, une grève de la faim avait éclaté au même endroit. Donc force et solidarité avec eux, on relaye le communiqué. Les problèmes viennent toujours de la même équipe. Hier, il y a un gars qui était en train de manger. Eux, ils le regardaient. Ils se parlaient entre eux. Il y en a un qui dit à son collègue: regarde-le, il mange comme un chien. Eux, ils sont toujours comme ça. Les regards, les coups de pression. Ça va jusqu'à la violence physique, tout ça. Il y en a un, il est tatoué. Il fait encore plus de manières. Des fois, il rentre dans le réfectoire et il va crier sur un gars qui n'a pas encore mangé. Ouais, toi, t'as déjà mangé, dégage! C'est la même équipe qui a tapé un Renoir il n'y a pas longtemps. L'autre équipe est plus tranquille. Hier, on est rentré pour manger. Les flics nous fixaient comme des chiens. On leur demande pourquoi ils nous regardent comme ça. Ils ont mal parlé. Et tout le monde a jeté son plateau. Et voilà, grève de la faim. Ce soir encore, personne n'a mangé. Maintenant, pour l'État, on n'est plus des humains, on est des quotas. Il leur faut des chiffres pour faire leur politique et montrer aux Français qu'ils font des choses. Maintenant, voilà. Il y en a beaucoup qui, dès le premier avion, sont attachés. C'est important, il faut le dire. Il y a un gars qui, au 89e jour et au premier vol, ils l'ont attaché pour le ramener au pays. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que, enfin, en fait, quand ils sont envoyés dans l'avion pour être déportés jusque dans leur pays, en vrai, normalement, au premier vol, ils ont plus ou moins le droit de refuser. Et au deuxième vol, ils ne les préviennent pas à l'avance. Et des fois, ils viennent les chercher dans la nuit et ils les attachent, quoi. C'est-à-dire, ils les menottent, ils attachent les pieds, les jambes. Des fois, même, ils mettent des casques, ils attachent la bouche. Enfin, bref. Voilà. Et là, donc là, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'au bout de 89 jours, le gars, il se fait embarquer pour son premier vol pourtant. Et ils l'attachent. Pardon, alors que c'était son premier vol. Bref, je continue la lecture. Les 3 mois, ils sont faits pour la torture psychologique. 45 jours, c'était déjà difficile. Mais là, ici, on ne peut pas travailler, on n'a aucun revenu, on bouffe de la nourriture industrielle réchauffée et dégueulasse. Oui, parce que le temps de rétention, il est passé de 45 jours à 92 jours, je crois, récemment, avec la loi Asile-Immigration. Je continue. Quand il y a cette équipe, rien ne va. Même le médical déconne encore plus. À tous les niveaux, il y a des problèmes. Même la machine au café marche quasiment jamais. Et après, il n'y a plus rien. Quand il fait chaud, il n'y a pas d'eau froide, il n'y a rien. L'OFII, donc ça c'est l'Office français pour l'immigration et l'intégration, Parfois, ils sont pas là du jeudi au dimanche. Donc eux, ils sont censés en fait avoir plus ou moins une permanence dans le centre de rétention pour assurer le suivi des dossiers. Donc on est tous en galère. Pas de cigarettes, pas de gâteaux pendant 4 jours. Ici, on nous met la pression. Certains font des allers et retours CRA-prison, CRA, parce qu'ils n'arrivent pas à les expulser. Pendant qu'on écrit le communiqué, il y en a un qui s'est évanoui. On sait qu'au centre de plaisir aussi, il y a une grève. C'est bien. Les prisonniers du centre de rétention de Palaiseau. Donc voilà, pour rappel, il y a une grève de la faim aussi en cours dans la prison de plaisir depuis le 20 septembre. Et parce que les keufs ont décidé d'interdire les visites. Et du coup, je vais vous lire ce deuxième communiqué, à moins que quelqu'un d'autre veuille le lire. Alors, quelqu'un d'autre va vous lire ce deuxième communiqué qui nous vient du centre de rétention de plaisir. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité avec nous. Communiqué des prisonniers en lutte dans le CRA de plaisir dans le 78. Voici le communiqué des prisonniers en lutte du CRA de plaisir. Pour rappel, ils sont en grève de la faim depuis vendredi 20 septembre pour protester contre l'interruption des visites, les refus de prise de soins et le comportement des flics. Samedi soir, une équipe de keufs extérieurs au centre est rentrée avec des chiens pour casser la grève de la faim. Ils ont tabassé et insulté une personne. Une personne a été mise en garde à vue et une autre en cellule d'isolement toute la nuit. Mais leur lutte continue, soyons solidaires. Ça fait 3 jours qu'on fait la grève de la faim. Ici, les policiers font plein d'abus, ils abusent trop. Ils traitent les gens comme des chiens. Ils font les visites comme ils veulent. Et des fois, ils prennent des gens qui n'ont rien fait et ils les menottent pour les mettre en cellule d'isolement toute la nuit. Même avec le médecin, c'est compliqué. Ils refusent tout. Il y en a un parmi nous qui a le pied déboîté et ils le ramènent même pas à l'hôpital. Parfois, ils arrêtent les caméras pour taper les gens. Hier soir, samedi 21, à minuit, ils ont ramené au moins 30 policiers avec des matraques et des gazeuses pour nous faire rentrer de force dans notre chambre. On n'a pas le droit de fumer, ni traîner dans les couloirs, ni regarder la télé après minuit. Les déjeuners aussi, tous les jours, ils nous réveillent à 7h obligés, comme si on était à l'armée. Les tondeuses et les lames, ils refusent de nous passer. Les fenêtres sont bloquées H24. Les lits ne sont pas bien, ça fait du bruit toute la nuit, on n'arrive pas à dormir. Et dans la nuit, ils passent toutes les 30 minutes. Ça réveille les gens parce que les portes font du bruit. On n'a pas de coussin. C'est pas normal. Franchement, l'état du centre est crade, très dégueulasse. Et souvent, quand les policiers arrivent, ils nous disent des paroles très racistes. Il y a d'autres parmi nous, qui les attachent pieds à la tête et des casques à la tête, scotch à la bouche et te font monter dans l'avion comme un colis de voyage. L'accusation aussi, quand on leur donne nos dossiers, ils n'envoient pas tout au juge ni à nos avocats. Ça aussi, c'est pas normal. Il y a des gens aussi qui viennent au centre, ils passent un jour, ils ne voient même pas le juge et ils sont libérés. Alors que d'autres n'ont même pas le droit de passer devant le juge administratif. Et c'est pas normal non plus. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité pour nous. C'est la vérité. Donc les prisonniers du CRA de plaisir. Le 22/09/2019. Donc voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Je ne sais pas trop où ça en est depuis le 20 septembre, de ces deux grèves de la faim. Sur le site aussi, les dernières news, c'est des témoignages qui viennent du centre de rétention de Vincennes. Donc c'est toujours en région parisienne. Hein. Voilà, je ne vais pas vous lire les témoignages. Je vous invite à aller vous renseigner. Après, c'est souvent un peu les mêmes, c'est les mêmes histoires qu'on entend parce que c'est un peu les mêmes situations voilà, d'un centre de rétention à l'autre. Et du coup, force et courage aux gens qui luttent. Et surtout, il y a besoin de soutien. Donc pareil, à l'extérieur, organisons-nous en fait, pour relayer ces communiqués, ces appels et puis pour soutenir en fait, les mouvements des camarades enfermés. Après le soutien vient l'action. Ces suicides, je n'y crois pas, connaissant le vrai visage de la répression. Ils battent le fer avec autant de virulence que les potes de CRS arpentent le pavé. Pays de flics et de collabos, de démocrates et de socialos, vendus au capital et à la propriété privée. Il faut les voir manifester pour le Tibet, manger bio et soutenir la violence à l'étranger. Alors que dans nos banlieues tristes, ils sont choqués par la révolte d'une jeunesse étouffée dans des quartiers. Il faut les voir, ces sociales traîtres, brandir une putain de rose qui s'apparente à une fleur de lys, essayant de nous faire croire qu'ils sont socialistes, en nous citant Jaurès comme jadis. Mais bordel, ils peuvent se noyer dans leur pisse. Luttez, résistez, organisez-vous en mouvement collectif, groupe d'affinité, pas de parti chez nous. En deux coins indépendants, adeptes de l'autonomie. Le peuple, on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie. Luttez, résistez, organisez-vous. Je suis cette extrême gauche que les médias ne comprennent pas et qu'ils caricaturent. Journaliste abruti, intelligence proportionnelle à leur mauvaise lecture. Je suis ce banlieusard de quartier, trentenaire et militant, qui rappe de façon décomplexée, légitime et qui n'a pas à se justifier. Partisan de la destruction des CRAS et de la séquestration de patrons, artisan de la grève générale, résistant de la guerre sociale, anarchiste luttant pour un idéal libertaire, descendant des bagnards et des communards, d'une histoire saignante qui a coulé sur la pierre et les trottoirs. Loin de tout ce foutoir, rendez-vous au mur des fédérés. 2009, la commune est ressuscitée. Luttez, résistez, organisez-vous en mouvement collectif, groupe d'affinité, pas de parti chez nous. En deux coins indépendants, adeptes de l'autonomie. Le peuple, on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie. Luttez, résistez, organisez-vous. Tout est fait pour nous maintenir dans le flou, que l'on soit dépressif quand on est en manque de flouze. Une minorité possède, exploite une majorité. Si ça n'a pas encore pété, c'est peut-être à cause d'un manque de lucidité. Et que dire de cette moitié qui se gave dans la complicité? Tu rêves de prendre la place de ceux qui ont exploité nos parents. Tu crois que la vie que l'on mène est due à une question de chance naïve. Y'a pas de destin, c'est navrant. Hors de question de se complaire dans la fatalité. On est là pour briser nos chaînes, lutter et résister. Si l'on crève, tant pis, on sera pas les premiers ni les derniers à mourir pour une idée, concrétiser une utopie. J'emmerde ta morale familiale et ta patrie. Lutter, résister, organisez-vous en mouvement collectif, groupe d'affinité, pas de parti chez nous. En deux coins indépendants, adeptes de l'autonomie. Le peuple, on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie. Luttez, résistez, organisez-vous.